Africa, I know you will feel no Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mercredi 26 février et il neige, alors avec plus ou moins d'intensité, hein, suivant l'endroit où on se trouve dans les Vosges, donc soyez vigilants, on fera un point complet un petit peu plus tard. Allez, en ce 26 février, nous souhaitons une bonne fête au Nestor. Le dicton du jour nous dit, février remplit les fossés, c'est à Mars de les assécher. Pas de célébration aujourd'hui et dans les événements qui se sont déroulés un 26 février en 2008, c'était l'inauguration de la réserve mondiale de semences du Svalbard. Alors c'est une chambre forte souterraine sur l'île norvégienne de Spitsberg, destiné à conserver dans un lieu sécurisé des graines de toutes les cultures vivrières de la planète et ainsi de préserver la diversité génétique. Allez, on laisse la parole à Chris qui nous parle du don du son pour ce mois de février. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo, sur cette FM, c'est Chris et aujourd'hui, comme tous les mois, je vais vous communiquer le programme des Journées du sang organisé par les équipes mobiles de l'établissement français du sang Lorraine-Champagne pour le mois de février 2020 dans notre département. Mais avant de vous communiquer les différentes dates, nous allons voir ensemble la lettre du docteur Morel, responsable prélèvement à Nancy. Donc, il faut savoir que le contexte actuel est celui d'une augmentation constante de besoins en produits sanguins avec une progression de l'ordre de 2 à 4% par an. Depuis 2004, les exigences d'une médecine dont les techniques ne cessent de progresser et l'allongement de la durée de vie de nos concitoyens expliquent cette situation. Il est donc de notre responsabilité collective de se donner les moyens de répondre à cette exigence. Et pour répondre à cette exigence, je vais vous communiquer tout de suite les différentes dates de collecte du sang pour le mois de février dans notre département. Le jeudi 27 février à Archette, à la Maison pour tous, située à l'adresse 82 rue du Haut-du-Mont, de 16h à 19h30. Le vendredi 28 février, à Leval-d'Ajol, à l'espace Dorothée, située à l'adresse 71 Grande Rue, de 15h30 à 19h30. Je le répète une dernière fois, mais il est très important d'aller donner son sang, car vos dons, nos dons, pourraient permettre de sauver des dizaines et des dizaines de vies. Donc n'hésitez surtout pas. Merci Chris. Allez, on continue avec les événements dans le coin hein, et on parle d'un vide armoire et c'est Lia qui nous présente ça. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo 107FM, mais vous pouvez également nous écouter depuis notre site internet www.radioguémozo.eu. Et aujourd'hui, petit tour vers notre billet de sortie, avec nous au téléphone Quentin de l'Amicale scolaire de Saint-Amy. Quentin, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Et vous ? Mais ça va très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté d'intervenir quelques instants sur nos ondes donc, pour parler d'un événement qui aura prochainement lieu, un vide armoire, le 1er mars. C'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. L'Amicale de Saint-Amy organise son vide armoire, on va dire classique. D'accord. C'est déjà plusieurs années qu'on le fait. Combien de temps alors ? Ça fait peut-être 3 ans qu'on le fait. D'accord. Après, on a d'autres animations qui, comme le vide-grenier, que là, qui, voilà, qui est assez connu sur le coin. Oui. La Déville-Bourse. Là, voilà, c'est une activité qu'on essaie de relancer pour nos enfants, enfin, les enfants de l'école, des écoles de cette année. D'accord. Alors justement, à quoi servira l'argent récolté ? Alors, l'argent récolté sert à faire des activités scolaires, des sorties, à financer des bus pour les enfants. Donc voilà, en gros, ça sert à aider les écoles à organiser des activités de sortie tout au long de l'année. Voilà. Super. Alors, donc, ce vide armoire, il aura lieu le 1er mars. Ça commence à partir de quelle heure ? Alors, le vide-grenier, vide-armoire, pardon, il commence à 14h et finit à 17h30 et les exposants peuvent arriver à partir de 13h30. D'accord. Pour s'installer. Pardon, 13h, excuse-moi, 13h. Ok. Donc voilà, donc ils pourront s'installer à partir de 13h. Ça ne dure que l'après-midi, du coup c'est le dimanche. Oui. C'est un coût de table à 8 euros également. D'accord. Voilà, donc après il y aura de la petite restauration, buvette, gaufres, crêpes. C'est super. Pourront être prises là-bas. Voilà. Puis tout le monde peut amener tous les vêtements qu'il souhaite. C'est adulte, bébé, enfant. Okay. Il n'y a pas de restriction en tout cas. Voilà. Ok. Donc j'imagine que même si on n'est pas si on ne fait pas partie de la ville de Saint-Amé, on peut quand même venir. Ah bah oui, nous on invite vraiment tout le monde à venir. Il n'y a pas de contraintes. C'est la salle polyvalente de Saint-Amé, donc c'est juste derrière la mairie. Et on accepte tout le monde. Il y a une réservation qui est à faire par contre. D'accord. Auprès d'Élise, donc je sais pas si vous voulez, enfin je peux communiquer le numéro de téléphone. Oui, oui. C'est le 07 82 03 06 83. D'accord. Voilà, la réservation est là. Donc, vu qu'il y a une place limitée, hein, vu que c'est dans la salle polyvalente, c'est dans la limite des places disponibles. Mais normalement, ça va, on est arrivé jusque maintenant à accueillir toutes les personnes qui le souhaitaient de tous horizons. Super. Ouais. Alors, depuis quand existe cette amicale scolaire de Saint-Amé? Alors là, je ne pourrais pas vous dire. Ça fait très longtemps. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire. Je rencontre encore des anciens présidents qui ont aujourd'hui 50 à 60 ans. Donc voilà. Je pense que ça fait au moins une vingtaine d'années que ça existe. Ok. Mais je pourrais pas dire plus que ça. Là. Il y a pas mal de membres investis au sein de cette amicale? Oui, alors en fait, on a vraiment une base d'adhérents assez importante. On va dire la majorité des parents d'élèves de Saint-Amé adhèrent à l'amicale scolaire. D'accord. Après, chacun participe comme il peut. On essaye de faire en sorte que chaque amicaliste participe au moins à une activité dans l'année, que ce soit le vide armoire, le vide grenier, le baby bourse. Mais voilà, je n'ai pas le nombre d'adhérents exact. Oui. C'est récemment, hein, que je suis arrivé au bureau. Donc voilà. Mais oui, il y a beaucoup de personnes, des groupes scolaires de Saint-Amé. Ok, super. Donc ce vide armoire aura lieu le dimanche 1er mars à la salle polyvalente de Saint-Amé de 14h30 à 17h30 et dès 13h pour vous installer si vous souhaitez être exposant. Nous redonnerons le numéro de téléphone où vous pourrez réserver si vous le souhaitez sur notre page Facebook. Merci beaucoup, Quentin. Merci beaucoup, merci à vous. Une très bonne journée et puis surtout un très bon vide armoire. Merci, au revoir. Au revoir. Merci Léa. Et pour terminer avec ces événements dans notre département, une information du Saulsur sur Moselotte FC Football. Un bus des Vosges pour Strasbourg, Paris Saint-Germain. Ça vous intéresse? Eh bien c'est le samedi 7 mars. Donc le football club Saulsur sur Moselotte Tiefos organise un déplacement en bus à Strasbourg pour le match de Ligue 1 Strasbourg-PSG. Départ d'Épinal à l'Intersport à 13h. À noter qu'il y aura un arrêt à Éloi, à la gare, à 13h15. À la gare de Remiremont, à 13h30. Au rond-point du syndicat, à 13h40. À la place des déportés de Gérardmer, à 14h. Au rond-point de Saulcy-sur-Meurthe, à 14h30. Match à 17h30 au stade de la Méno. Retour après le match. C'est 45 euros, tout compris, en bus et billets. Pour tout renseignement, le contact, c'est le 06 82 96 99 58. Allez, je le répète une deuxième fois. 06 82 96 99 58. Allez, tout de suite, on marque une première pause musicale avec le chanteur Michael Bolton et son titre Said I Love You But I Lied. Michael Bolton sur RGM, il est pile 8h44, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 26 février 1947, naissance de Sandy Shaw, chanteuse pop britannique, notamment connue pour son titre Always Something They To Women Me, dont on écoute tout de suite eh bien, un extrait. I walk along the city streets you used to walk along with me. And every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me. Part of me, oh, whoa, whoa, whoa. When shadows fall, I pass a small cafe where we would dance. Voilà pour l'extrait de Sandy Shaw. 1953, naissance de Michael Bolton, chanteur américain. 1956, naissance de Charles Élie Couture, chanteur français qu'on écoutera un petit peu plus tard. C'est également l'année de naissance de Michel Houellebecq, célèbre écrivain français. 1958, naissance de Greg Germann, acteur américain, connu pour son rôle de Richard Fish dans la série télé Ally McBeal, vu dans les séries Raising Hope, Hawaii 5-0, NCIS 5. Enquête spéciale, New York Unité spéciale, la saison 5 de Once Upon a Time dans le rôle d'Hadès. Et depuis quelques années maintenant, on le voit dans Grey's Anatomy dans le rôle du docteur Tom Korasik. 1961, naissance de Virginie Lemoine, humoriste, actrice française, vue au cinéma dans Ma femme s'appelle Maurice, mais connue pour son rôle de Marion Ferrière dans la série télé Famille d'accueil. 1964, naissance de Marc Dacascos, acteur américain, vu dans Le Pacte des loups, dans la série télé Hawaii 5-0 dans le rôle de Wofat, Chicago Police Department ou encore Lucifer. 1971, naissance de Manu Lévy, célèbre animateur radio français. C'est également l'année de naissance d'Hélène Ségara, chanteuse française. On écoute tout de suite un extrait eh bien, de l'un de ses tubes. Il y a trop de gens qui t'aiment. Il Pour l'extrait d'Hélène Segarra. Allez, on continue. 1974, naissance de Sébastien Loeb, pilote de rallye français, reconverti dans les compétitions sur circuit dans un premier temps, puis en rallye raid et en rallye cross plus récemment. À noter qu'il a remporté le championnat du monde des rallyes 9 fois consécutivement, de 2004 à 2012. 1975, naissance de Virginie Hoc, comédienne, humoriste belge, vue au cinéma dans Le Séminaire ou encore Incognito et à la télévision vue dans la série Vive la colo dans le rôle de Morgane. 1977, naissance de Coxie, chanteuse française qui a sorti un titre qui a fait un carton à l'époque, c'était Garçon. Petit extrait. Paris, d'une voiture au feu rouge, un mec me dit hey madame, il est quelle heure? Je lui réponds midi, il me dit madame, qu'est-ce que t'es bonne, tu veux pas me faire une gâterie? Ses potes rigolent sur le moment, j'ai pas compris. Je réponds mon grand, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Tu n'aimerais pas qu'on parle comme ça à ta maman. Le mec me regarde avec une tête de chien de garde, il me fait ouais, c'est pour pas de ma mère ou je te défonce. Je lui réponds, tu calmes Alphonse. Je te connais pas, tu m'agresses. C'est quoi ce manque de délicatesse? On t'a pas dit traiter les femmes comme des princesses? Il me dit ouais mais toi je te baise. Je lui dis bah non justement, c'est bien ça le malaise. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare con et gare au con ma fille. Gare au con, gare au con, gare au con, qui perd de leur Du. C'était un extrait de Garçon, donc de Coxie. On continue les anniversaires. 1982, naissance de Lina, ancienne joueuse de tennis chinoise, ayant fait carrière de 1999 à 2014, qui a été numéro 2 mondial en 2014, qui a gagné une fois l'Open d'Australie ainsi que Roland-Garros, demi-finaliste à l'US Open et quart de finaliste à Wimbledon. C'est également l'année de naissance de Nate Ruess, auteur, compositeur, interprète américain du groupe Fun, qu'on écoutera en fin d'émission. Et on termine les anniversaire en 1985 avec la naissance de Shiloh Fernandez, acteur américain, vu dans la saison 1 de la série Jericho dans le rôle de Sean Hunter et vu également dans les séries Gossip Girl ou encore Instinct. Allez, nous sommes mercredi et qui dit mercredi dit sortie cinéma et on commence tout de suite avec L'État sauvage, un western de David Perrault avec Alice Izaz, Kevin Johnson et Déborah François. Autre film, autre ambiance, un film d'épouvante, horreur, thriller fantastique Invisible Man de Leigh Whannell avec Elizabeth Moss, Oliver Jackson Cohen ou encore Aria Dir. Autre film, cette fois-ci c'est un biopic intitulé Dark Waters de Todd Haynes avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway ou encore Tim Robbins. Autre film, encore un film d'épouvante intitulé The Boy, la malédiction de Brahms de William Brent Bell avec Katie Holmes, Christopher Convery ou encore Owen Yeoman. Autre film, cette fois-ci, c'est une comédie. Mes jours de gloire d'Antoine de Barry avec Vincent Lacoste, Emmanuel DeVos ou encore Christophe Lambert. Comédie toujours, Mine de rien de Mathias Mlekuz avec Arnaud Ducré, Philippe Rebaud ou encore Mélanie Bernier. Un biopic, Judy de Rupert Gold avec Renée Zellweger qui a remporté l'Oscar de la meilleure actrice il y a quelques semaines. Elle joue aux côtés de Jessie Buckley ou encore Finn Wittrock. Et on termine avec une comédie intitulée Lucky d'Olivier Van Oufstadt avec Michael Youn, Alban Ivanov pardon, ou encore Florence Foresti. Allez, tout de suite, on s'écoute Charlie Couture avec son titre « Comme un avion sans ailes ». « toute la nuit. Et j'ai chanté pour celle qui m'a pas cru toute la nuit. Et même si je peux pas m'envoler, tiens plus de bout, si crevé qu'un danseur. Oh, il fait lourd, et grande, grande nuit blanche, et grande, grande nuit d'orage. Le tonnerre gonfle, mais y'a pas d'éclair. Écoute la voix du vent la porte. Écoute, on va changer de lit, changer d'amour, changer de vie, changer de jour. Charlélie Couture, comme un avion sans aile, sur le 107 FM, on fait un point météo. La météo. Alors comme je vous le disais en tout début d'émission, ce sera de la neige au programme d'aujourd'hui, même si pour l'instant je regarde par la fenêtre à Saint-Étienne-lès-Mirmont, ça s'est nettement calmé. Donc ce sera de la neige avec plus ou moins d'intensité hein, et il y aura également des rafales de vent. Donc soyez très vigilants aujourd'hui. Des températures comprises entre 1 et 2 degrés ce matin, entre 2 et 3 degrés pour cet après-midi. Jeudi, on débutera la journée avec de la neige qui se transformera en pluie. Des températures comprises entre 0 et 1 degré le matin, entre 5 et 6 degrés prévus pour demain après-midi. Vendredi, le retour des éclaircies, soleil et nuages. Des températures comprises entre 0 et 1 degré le matin, entre 5 et 7 degrés prévus pour vendredi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Football, Ligue des Champions et le Bayern de Munich pardon, qui s'est imposé hier soir à Chelsea 3-0. Chelsea qui a d'ailleurs joué avec un homme de moins puisque Chelsea s'est pris un carton rouge. Carton rouge également pour le FC Barcelone qui a fait match nul à Naples, un but partout. Le but pour Barcelone est signé Antoine Griezmann. Ce soir, l'Olympique Lyonnais reçoit la Juventus de Turin et le Real Madrid reçoit Manchester City. Un mot de tennis avec Acapulco hier, la La qualification qualification d'Hugo Humbert après l'abandon de Nick Kyrgios. Il affrontera aujourd'hui Fritz et Manarino affrontera Dimitrov. À Dubaï, à noter la qualification de Benoît Paire en 3-7 face à Marin Cilic, 7-5-7-6. Herbert s'est qualifié en 2-7 face à Nishioka, 7-5-6-2. Aujourd'hui, un duel franco-français entre Benoît Paire et Richard Gasquet. Herbert affrontera Evans et Monfils se reposer à Uchiyama. Et on termine avec du basket. Qualification pour l'Euro ce soir, la France affronte la Grande-Bretagne. Allez, tout de suite, dernière pause musicale avec le groupe Fun et leur titre We Are Young. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. No, I know. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Le groupe Fun avec leur titre We Are Young sur RGM, il est un peu plus de 9h. C'est l'heure de se dire au revoir, mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h30, ce sera durablement vôtre. À 20h, Nothing But The Blues. 21h, la rediffusion de Mosaïque. Et nous, on se retrouve demain matin. Même heure, même endroit. Excellente journée à tous.